Pinaudien, Pinaudienne, amis du monde et d'ailleurs, vous m'avez manqué. Donc c'est tout ému, début de cette nouvelle saison 2023, qu'on réintègre les pénates, le foyer si calme et doux parisien. J'aurais jamais cru que Paris pourrait être comparé à un foyer si calme et doux. Mais après quelques mois en Inde, où la douceur et le calme seront plutôt une utopie, retourner dans le cocon d'une radio, c'est beau. Et c'est avec vous. Et ce cargo cul, j'y me tiens à cœur. J'étais trop content de le présenter. Vous savez comment ça marche, hein, les cargo cultes, vous faites vos petites listes, quoi, avec vos disques que vous aimez, ça c'est clair. Puis il y en a que vous aimez tellement que vous ne les mettez pas tout de suite, un petit peu de côté. C'est comme les meilleurs chocolats, quoi, on ne les mange pas en premier. Et là, ce chocolat, il est absolument incroyable. Parce que oui, alors je vais être complètement partisan sur le disque que j'ai présenté aujourd'hui, puis je vais d'abord commencer par le nommer. Palais Schomburg, album éponyme de 1981, Palais Schomburg, groupe allemand, hein, la consonance nous renseigne un petit peu. Et je crois que pas que un groupe ait pu être autant visionnaire et surtout prédessiné avec autant d'intuition ce qui allait se passer dans les décennies futures. Et quand je dis les décennies, j'ai pas peur. Alors allons-y, lançons-nous de go. Parce que Palais Schomburg, effectivement, rien qu'en son sein, rien qu'avec les musiciens qui ont participé à la mythologie de ce groupe, mythologie qui tient en fait sur un album, comme il y en a même, il y en a eu trois, mais je vais détailler, ont campé à eux seuls les directions les plus affûtées des générations électro suivantes, et ça particulièrement en Allemagne. J'y viens, lentement, mais sûrement. Mais croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de groupes comme ça qui aient pu, dans l'œuf, contenir autant d'intuition. Et intuition qui est de toute façon déjà formée, déjà totalement mature dès le départ. Parce que oui, premier album aussi réussi, c'est pas non plus si évident. Quand bien même il y a des premiers albums avec des fulgurances incroyables, mais qui, des fois, le premier album est tellement bien que, qu'après, ce sera moins bien. Et là, je vais spoiler un petit peu, ouais, Palais Schomburg, ce sera moins bien après. Donc effectivement, on va être dans un ici et maintenant, qui nous cale pile poil en 1981, au cœur de la bien nommée, mal nommée, Neue Deutsche Welle, donc cette New Wave allemande qui va prendre le pas, effectivement, après les humeurs punk de la fin des années 70. Et croyez-moi, vitaliser une génération allemande qu'on avait totalement besoin. À ce titre-là, Palais Schomburg fait partie d'une cohorte de gens qui sont finalement extrêmement intéressants eux aussi. Alors, resituons-nous un petit peu à l'époque. Cette explosion de la New Wave allemande, alors elle est totalement empreinte de Cold Wave, n'ayons pas peur, et nourrit de musique industrielle, et puis n'hésite pas à y aller, franchement. De toute évidence, c'était biberonné par le krautrock, et évidemment, plus ou moins mis en avant, en tout cas éclairé par la figure tutélaire incontestable que va être Kraftwerk. Bon, problème, c'est qu'une figure comme Kraftwerk, c'est tellement incontestable. Certes, ils ont mis la germanophonie, finalement, au cœur de l'hype et d'une certaine forme de pop. Mais depuis que Kraftwerk connaît ses succès, et ça commence très tôt, finalement, c'est un groupe qui est tellement international, voire tellement interplanétaire, que leur germanitude, offrons-nous cet idéologisme, leur colle certes à la peau, mais elle n'est pas spécialement liée, elle ne fait pas spécialement avancer derrière elle une machine à produire la musique qui va suivre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas influente sur la génération qui suit. Mais l'Allemagne avait besoin de coups de pied au cul, d'une génération un petit peu à la fois sexy et contestataire, chose que va extrêmement bien symboliser un groupe comme DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft. Mais là encore, le groupe se constitue, en tout cas sous sa formule définitive et celle qui va rencontrer le succès, sous une formule de duo. Le groupe se constituera depuis Londres, finalement. Et quand bien même, là, les racines allemandes sont bel et bien assumées. Elles le sont d'autant plus que le texte est allemand. Croyez-moi, hein, faire danser les foules en chantant allemand, c'était une gageure. Il n'y a que Mozart qui l'avait fait, si vous voulez, quoi. Mais ce n'était pas tout à fait à la même époque. Donc oui, l'Allemagne va devenir sexy. L'allemand va devenir groovy. Et dans ce cœur-là, il y a un label et surtout un groupe qui va émerger, c'est celui dont je parle aujourd'hui, Palais Schomburg. Bah, le Chambok va être signé sur Zigzag Records. Zigzag Records, c'est vraiment, pour moi, un des labels les plus importants qui a émergé dans cette première moitié des 80s. C'est un label qui va continuer d'ailleurs après, mais qui va comporter en son sein finalement tout ce qui va devenir essentiel, et parfois pas essentiel, mais néanmoins extrêmement intéressant, extrêmement intrigant dans cette Neue Deutsche Welle, alors, qui porte même pas ce nom-là à ce moment-là d'ailleurs. D'ailleurs, c'est embêtant ce néologisme, parce que bon, ok, la New Wave, machin, ok. Mais il y a tellement, et c'est Zigzag qui va être un peu le zélateur de ce style-là, il y a dans cette expression allemande extrêmement synthétique une forme de post-dadaïsme matinée d'expressionnisme allemand qui colle extrêmement bien à ce qu'est l'Allemagne et ce qu'elle veut être à ce moment-là. C'est un mélange de Kurt Weill et des Résidents, si vous voulez, quoi. Et les Résidents, alors là, pour le peu, sont une influence clairement revendiquée chez à peu près tous les zélateurs et tous les trublions qui vont enregistrer ces Zigzag Records. J'en nomme quelques-uns. Die Todliche Doris, excellent groupe, qui restera sur le label. Die Groups. Et là, pour le peu, même sur leur premier album en entier, Ein Zusammen de Neubauten. Eux feront l'histoire. Ils ne le font pas encore au moment de l'apparition de ce disque, de l'apparition en tout cas du disque dont je parle aujourd'hui, pas le Schoenbourg en 1981. Le lien avec Ein Zusammen de Neubauten est obligatoire et je vais expliquer finalement assez rapidement pourquoi. Pas le Schoenbourg, c'est un groupe qui est constitué, alors allons-y sur le name dropping, par des gens dont certains noms vont complètement résonner dans votre tête. Il est essentiellement constitué autour du chanteur, Holger Hiller, un chanteur absolument incroyable, dadaïste, performer, un chanteur non-chanteur, mais c'est cela qui n'en plus épatant. Et un clavier, mais alors touche à tout, et puis finalement arrangeur du groupe, Thomas Feldmann. Ah, Thomas Feldmann, ça commence à résonner dans vos têtes. Je vais détailler ensuite. Et puis bah, autour de ça, un primo batteur, F.M. Heite, qui sera rien d'autre que le batteur constituant de Ein Zusammen de Neubauten, j'en parlais. Mais ça, finalement, c'est une deuxième histoire qui suit immédiatement, en fait, dans la chronologie, la constitution de ses premiers albums dont je parle aujourd'hui. Parce que voilà, ce premier disque va rassembler tellement d'énergie, tellement de puissance, tellement de musiciens aguerris que ça ne pouvait pas durer. Et finalement, c'est dans l'éclatement que les trajectoires vont se faire. D'un côté, Ein Zusammen de Neubauten. D'un côté, Thomas Feldmann, qui lui va garder le contrôle du groupe jusqu'au bout, mais le bout est court, ça dure jusqu'à 1986, le temps de trois albums. Mais suite à ça, Thomas Feldmann va devenir le producteur, un des producteurs les plus affûtés de la génération électro-berlinoise. C'est quelqu'un qui va constituer différentes entités et produire sous plusieurs noms. Et notamment avec un autre musicien qui va rejoindre Pala Schoenbourg très très vite, mais pas sur l'album dont je parle aujourd'hui. C'est un jeune batteur extrêmement doué et surtout très excité par l'arrivée du sampler. Et très vite, c'est le sampler dont il va se doter comme outil principal. Ce jeune bonhomme, plutôt beau gosse sur la pochette, c'est Maurice van Oswald, Maurizio. Soit l'incarnation même du dub électro-germanique dans ce qu'il a de plus sublime. Et pensez donc au label Basic Channel, et puis Rhythm and Sound, Mean Street, et les productions M quelque chose, donc de Maurizio, Maurice van Oswald lui-même. Reconstituer cette généalogie, croyez-moi, n'est pas une mince petite affaire. Pourquoi ? Parce que, et on le sait ici, pratiquement tous les musiciens que je viens de nommer vont finalement revendiquer un anonymat très, très stratégique pendant tout le milieu, même dès le début des années 90. Maurice van Oswald ne fera paraître jamais aucune photo, il est absolument invisible, il ne cherchait même pas une interview. Thomas Feldmann ne se montre jamais. Holger Hiller, lui, se vivra reclus après avoir été un temps à Londres mener des expériences peut-être encore plus radicales que ce qu'on entendra aujourd'hui et revenir ensuite à Berlin. Donc on va être dans une constitution anonymisée de groupuscules électro, techno, dubby, mettez tous les adjectifs que vous voulez, qui va fonctionner extrêmement bien à cette époque-là, mais dont le cœur, dont la matrice nourricière est exactement le disque dont je parle aujourd'hui. Ce disque-là, plus un autre, on se fera une petite sortie de fin d'émission avec un petit peu de la carrière de Holger Roller au solo et une partie de son deuxième album. Mais enfin, on n'y est pas encore. Donc, allons-y. Ce disque est produit par le groupe, produit par Palachimbo. L'expérience du groupe, elle est pas. Il y a quelques singles qui sont sortis sur Zigzag Record, dont même un 6 titres qui est absolument culte et excellent. Et alors un petit 45 tours assez culte aussi, qui est une reprise de Paul and the Miss. Donc on est dans le domaine de la musique classique du 19e. Et une comptine pour enfants, si vous voulez. Et là, qui est faite entre Holger Roller et Thomas Sandman. On fera bien comme ça assez limité. 45 tours assez rare, assez culte, mais je crois réédité sous les bons auspices de l'un des musiciens les plus aguerris et les plus connaisseurs de cette génération-là, je suis content de le nommer ici, c'est Félix Kubin. Et Félix Kubin a réédité sur son propre label, Gagarin Record, des éditions, des sorties justement de Zigzag Record. Zigzag Record est très lié à cette hype de Hambourg. Le groupe lui-même vient de Hambourg, mais ça ne va pas être que ça. La preuve, Hans-Josen de Neurobotten, qui quand il suivra, eux, sont bel et bien berlinois installés à Berlin. Et d'ailleurs, ne mentons pas, toute cette vitalité de Hambourg est personnalisée par le personnel de Palachimbo, que je nommais là, va finalement assez vite déménager pour Berlin. Mais on n'y est pas encore. L'album, si je suis là à faire l'historique, en tout cas presque un panégyrique un petit peu concentré de Zigzag Record, c'est qu'évidemment ça a compté dans la mythologie de cette Neue Deutsche Welle allemande. Mais c'est quand même Virgin, donc joli coup, qui va signer l'album, pas le Chambeau, l'album éponyme qu'on va écouter. Signature favorisée par le co-producteur du groupe. Pas le Chambeau, certes d'un côté, mais aussi. C'est inattendu, mais c'est finalement cohérent. David Cunningham. David Cunningham, peut-être plus encore que Palachimbo, est cet empêcheur de tourner en rond qui s'est retrouvé par un heureux accident propulsé à Top of the Pop, alors que rien ne l'y prédestinait. David Cunningham, c'est un contemporain de Michael Nyman. Ils ont joué ensemble. C'est quelqu'un qui est pote avec John Cage. Bref, il n'est pas du tout dans les territoires de la pop, ni même du post-punk déglingué. Mais, il va signer un des tubes les plus incroyables de l'époque, et j'y reviendrai probablement un jour dans un cargo culte, avec le concept Flying Lizard. Et les Flying Lizards s'étaient entichés de faire une reprise de Summertime Blues et plus encore avec succès une reprise de Money, premier titre single signé par Berry Gordy avant que Berry Gordy devienne le boss de Motown. Et ce Money jouait littéralement dans la cuisine avec des vrillements de cuillère et tout un tintamarre comme ça métallique et le tout remonté sur bande à la façon de ce qui sera plus tard avec le sampler, mais là, à cette époque-là, on est en 79, il n'est pas question d'utiliser un sampler, le truc va être un tube totalement incroyable, un one and only, hein, parce qu'on ne fait pas deux fois ce coup-là, quand bien même Cunningham a essayé de le refaire. Mais Cunningham est malin, et il explorera d'ailleurs d'autres voies, notamment par le dub assez rapidement après. Bon, ce n'est pas cette histoire-là que je raconte aujourd'hui. Mais du coup, Cunningham est une pièce maîtresse, et à lui seul, la validation d'un underground très bric-à-brac, très dadaïste, post-résident, comme je le disais, mais enfin plutôt en écho aux Residents qui existent eux-mêmes par ailleurs et puis qui sont en pleine constitution de leurs meilleures œuvres, pile-poil dans cette charnière entre la toute fin des années 70 et le début des années 80. Donc Palachimbo part avec de bonnes bases. Ce sont des têtes bien faites, ce sont des têtes chercheuses, rigolotes, complètement nourries de Stockhausen et du krautrock, mais complètement décomplexées par le punk aussi, quoi. Et c'est justement ce jeu de décomplexé qui va donner toute la vitalité au disque. Et croyez-moi, quand je parle de vitalité, c'est totalement saisissant d'entendre, dès le début, hein, des rythmiques pré-proto drum and bass. Le jeu de batterie est très sophistiqué et on ne s'étonnera pas du coup que c'est ce batteur-là qui va constituer dans la foulée Hans-Josen de Neurobotten, au tête de Blixa Bargeld et des autres. La basse, elle est très tenue et puis bien sûr, on sent cette charpente par Thomas Feldman, clavier arrangeur du groupe, mais enfin il joue aussi de la trompette, divers instruments, un violon qui passe par-ci par-là. Parce qu'effectivement, vous allez entrer dans un instrumentarium plutôt billardé dans ce genre de production-là, et pas celle qu'on s'attend à entendre dans des productions, même advance rock de l'époque. Le synthé est là, mais pas strictement en avant. Contrairement aux autres troublions de type Dutch American, Nische Freundschaft, ou même les autres concurrents de Zigzag Record. J'en ai nommé deux et je les aime bien, mais je reviendrai sûrement un jour. Dieter Lische Doris ou encore Dick Hoops. Non, l'album, lui, enfile comme ça les perles, au sens propre. Et dans ce qui pourrait passer pour quelque chose comme ça de très arty, très second degré, avec des textes ritournelles un peu cucu. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que les textes sont pas seulement un peu cucu, ils sont juste très très cucu. Mais très très cucu. Alors, mais cucu, c'est sympa, hein, ça parle, voilà, l'air pur. Bon, 80, il y a un petit pamphlet écologique, mais le tout sur une forme de ritournelle. Des petites histoires qui sont étrangement, voire des comptines finalement, et qui sont étrangement un peu anti, pas dans l'esprit de la musique qui, elle, sans être difficile, parce que finalement on a poussé le bouchon très très loin au niveau du noise et pas mal de trucs, et dès cette époque-là, sont quand même relativement déstabilisantes. Et croyez-moi, même après l'écoute de ce disque, ça va pas être évident de le ranger dans une case, toute Neue Deutsche Welle, qu'elle soit, quoi. Le groupe pouvait pas survivre à ça, en tout cas pas sous cette formule-là, donc le groupe va connaître une deuxième incarnation, et puis une troisième, et tout ça, je veux dire, en un temps plutôt limité, puisque le groupe va vivre de 80 à 86, pas tant que ça, mais il y a quand même trois albums, petite poignée de 45 tours. Le deuxième album, il va être produit par Coati Mundi. Alors Coati Mundi, c'est pas un nom qui percute comme ça, mais pourtant c'est une tête connue, et c'est pas du tout quelqu'un qui est dans les sphères où il devrait être là. C'est le comparse d'Auguste Darnell sur le projet Kid Creole. Kid Creole on the Coconuts. Honey, I'm not your daddy. Ben voilà, et il y a un petit agitateur comme ça, trublion, rigolo, petit chauve qui danse partout autour des coconuts, ces petites créoles quand ils sont sur scène, mais qui est aussi un fin producteur et un musicien, c'est Coati Mundi. Donc Coati Mundi qui va se frayer comme ça avec une forme d'intelligentsia post-punk déglinguée venue de Hambourg, c'est tellement anachronique que c'est forcément intéressant. Et ma foi, ça vaut le coup d'être entendu. Hélas, et mille fois hélas, c'est quand même pas, c'est totalement en dessous du premier jet. Et ben voilà, après ce premier jet, ben le troisième jet, donc après le deuxième que je parle, donc que j'évoque là, un troisième jet, qui lui va resserrer le groupe sur une formule totalement basique, trio. C'est Thomas Feldman qui garde le lead, évidemment. Un nouveau chanteur, qui ma foi s'en sort pas mal, mais enfin on a l'impression d'entendre une copie de Depeche Mode chez des Allemands. Pas une mauvaise copie, mais bon, quelque part, y a pas de grande nouveauté non plus. Et puis, ce premier bidouilleur génial que j'ai évoqué tout à l'heure, et j'y reviens, bien sûr, c'est Maurice Von Oswald. Et Maurice Von Oswald, là-dessus, il ira à plein pied, il laissera progressivement tomber la batterie pour s'occuper de batterie électronique, mais surtout de samples qui vont constituer finalement l'armature de ses prochaines trajectoires. Donc, en ce sens-là, la fin de Palais Chambord, qui est un peu pathétique, on n'en est tellement pas dans le brio de ce qu'on va entendre, est quand même prophétique et laisse quand même envisager pour le moment la raison qui justifie que ces entités-là vont être strictement anonymes dans la deuxième partie des années, dans la deuxième partie qui suit, c'est-à-dire dès le début des années 90. Ce qui ne veut pas dire que leur anonymat les rend totalement inconnus, c'est même tout le contraire. Et là, c'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est une autre musique, c'est un autre adressage de la musique au public. On le connaît, c'est ce qui va émerger effectivement dans cette danse électronique musique et qui fait qu'effectivement, c'est plus la peine de passer par le visage, c'est même plus la peine de passer par une communication standard. Tout est cryptique, tout est dans le logo, tout est dans finalement d'autres stratégies de communication qui feront leurs preuves et sur lesquelles le groupe va absolument exceller. Presque une autre génération. Ce qui est pratique, c'est qu'en campant ce disque-là, aujourd'hui, finalement, on joue la porte au futur commentaire des carrières que j'évoque aujourd'hui. Donc ce disque, il est important à plus d'un titre, Un, il est génial. Deux, c'est un sésame absolument incroyable. Pour ceux qui le connaissent, c'est au-delà d'une Madeleine de Proust. Et pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même une forme de révélation totalement extraordinaire. Je ne suis pas du tout certain qu'un disque ait pu être à la fois aussi sexy et aussi pointu en 1981. Surtout issu d'une bande hirsute de jeunes bambins, parce qu'ils ne sont pas vieux à l'époque. Ils ont tous moins de 25 ans. Qui répétaient comme ça dans les locaux de Hambourg, en Allemagne. Bonne écoute avec le Palais Schaumburg, titre éponyme donc de Palais Schaumburg en 1981. Disco produit par David Cunningham, j'insiste un petit peu sur le truc et je reviendrai sur ça juste après. Ça nous entraîne sur une petite quarantaine de minutes d'écoute. C'est Cargo Cult et on est bien entre nous. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Grünes Winkelkarnel. Falsch, der Winkelkarnel. Grünes Winkelkarnel. Ich dreh dir den Hals herum. Den Hals, der Winkelkarnel. Grünes Winkelkarnel. Ich dreh dir den Hals herum. Grünes Winkelkarnel. Grüne Winkelkanone, grüne Winkelkanone, Deutschland, komm mir rein, so Rücken, Schatten, Blut von Übersee. Mit Zucker und Blattersee, mit Zucker und Blattersee. Ein Schneider, Teleportmann, ein Schneider, Teleportmann, Deutschland, komm mir rein. das sehnende Ziel, wie herrlich die spielen. Wie bitter jedoch, wird jetzt nur ein Loch, wo Sehnsucht versinkt und anschließend stinkt. Goldene Mandeln, Goldene Muscheln, zart und knusprig, goldene Mandeln. Waouh ! Que du bonheur, je vous dis, que du bonheur. Quel cargo occulte, Balchebourg, 1980, le disque du même nom. Chaud, froid, festif, maladif. Des 10 titres complètement incroyables, quoi. C'est rempli d'audace, de fulgurance. Jusqu'à ce dernier titre, Madonna, qui est faussement psychédélique. Vous voyez, une petite basse garage, 60s. C'est du yéyé dans l'acide, quoi. Puis voilà, autour de ça, de la contrebasse, quoi. De la contrebasse dans un groupe Cold Wave allemand de 1980. Les trompettes, les bruits étranges, toutes ces manipulations de bandes, effectivement, elles sont nombreuses. Et on ne s'étonnera pas que par la suite, le groupe s'adonne très très vite aux radicalités du sampler. Balchebourg a fait son premier concert en France. Et son dernier concert en France, à l'invitation de Sonic Protest en 2013. Donc c'était quand même plus de 30 ans après la sortie du disque. C'était un concert fabuleux. C'était absolument génial. C'était même touchant parce que les musiciens s'étaient retrouvés. Hein, ils ont tous eu des trajectoires un petit peu insensées. Mais ils sont quand même restés, je pense, assez solidaires. Je le prouverai très très vite avec les expériences d'Olga Hiller qu'on écoutera bientôt. Par contre, on voyait bien qu'ils étaient un peu perdus dans les paroles. Je vous disais, les paroles étaient cucu, et eux-mêmes s'en rendaient compte. C'est-à-dire que Olga Hiller, il s'est mis à rire sur scène de l'acuité des paroles. Il y a quand même un des morceaux les plus étranges du disque, le dernier de la première face, avec cette batterie comme ça, totalement stridente, obsédante et un petit peu difficile, volontairement exagérée dans l'aigu, avec une basse qui cogne en dessous, qui est en fait le son de canoë-kayak quand même. Voilà, ça n'est que ça. Mais justement, c'est ce qui rend le truc assez génial. Au milieu de ce concert, et qui était vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se partageait et tout, il y avait deux gars qui dansaient à qui mieux devant le groupe et qui plus est connaissaient les paroles par cœur. C'est-à-dire presque mieux que Olga Hiller qui s'était planté une fois ou deux. Je veux dire, les gars, c'est même plus des fans à ce niveau-là, c'était leur fan club, je me suis dit, ils ont amené avec eux et tout. J'étais en admiration dans ces deux bonhommes qui devaient admirer le groupe au moins autant que moi, si ce n'est plus. Alors j'étais les voir. Et puis là, bah non, j'ai vu que ce n'était pas des Allemands, c'était des vrais gars du cru et qui disaient, mais c'est un groupe qu'on a écouté dans toute notre jeunesse, ça passait tout le temps à la radio. Ça passait tout le temps à la radio, je leur dis, ne me dites pas que Balchebourg passait à la radio en 1981. Si. Ça passait dans une radio locale qui jouait des trucs complètement délirants. C'était à Lorient, en 1981, en Bretagne. Je reste bouche bée, je sais, bah... Ouais, je vois de quoi vous voulez parler. C'était mon émission. Parce qu'évidemment, dès ces petits jours-là, et le début des radios libres, avec ma petite collection de disques que j'achetais patiemment avec mon argent de poche, bah, je m'empressais de jouer ça à la radio. Croyez-moi que par la seule mot que ça y a été. Et voilà que je tombe des années après sur, bah, je sais pas, peut-être les deux meilleurs fans que le groupe ait jamais eu. Alors qu'ils étaient totalement en émoi aussi de voir l'animateur de leur émission préférée quand ils étaient petits. Alors, ils pensaient que j'avais 20 ans de plus qu'eux, alors qu'en fait, je crois qu'ils étaient plus jeunes, qu'ils étaient plus vieux que moi. Mais bon. Donc voilà, comment on trouve des fans et voilà comment un concert absolument réussi et puis enfin bienvenu quoi, joli coup de Sonic Protest, avoir quand même récupéré les gars et avoir favorisé leur reformation. Parce que je le disais, et ma foi pour certains d'entre vous qui étaient un tout petit peu en retard, certains ont été dénoncés, ils n'étaient pas là dès le début, insistons sur les carrières spécifiques que vont mener à peu près chacun des membres par la suite, ça va être des carrières complètement définitives. La première, et sur laquelle on n'était presque pas sûr du calendrier, c'est effectivement FM Einheit, donc dont son vrai nom, enfin bon, on le retient comme FM Einheit, qui est Frank Martin Strauss, c'est le batteur, qui en fait, en même temps, va mener la carrière de Einstürzen de Neubauten, et là à Berlin, et puis celle de Balchebourg, mais sur un temps très court, parce qu'il est sur le disque au tout début. Quand le disque sort, il est déjà officiellement plus dans le groupe, mais c'est quand même bien le batteur constituant du premier album de Balchebourg qu'on a écouté là. Et ça va être bien sûr le batteur tutélaire de Alshusen de Nobotten, mais batteur qu'on va lui-même retrouver derrière d'autres expériences. Je pense à une avec Diamond Agallas, par exemple, etc. Donc ça, voilà, il y a déjà une forme d'éclatement. L'immédiat éclatement post-premier album, ça va être Holger Riller, donc, qui est quand même le chanteur et de fait la figure lead du groupe, qui va partir. Et puis, ce noyau dur qui lui-même va s'éclater, mais en constituant finalement des fondamentaux complètement solides de la techno-électro allemande, spécialement berlinoise, mais finalement avec des ponts dressés de par le monde, notamment avec Detroit et le berceau tutélaire de la techno de Detroit. Je pense effectivement à ce que feront Morrison Oswald par la suite et Thomas Feldman. Comme je le disais, ouvrir la voie des prochains Cargo Cult avec ce Sésame qui est l'album de Paul Chambaud, c'est extrêmement pratique, outre le fait que le disque soit absolument génial. Effectivement, ça ouvre les fenêtres sur des disques et des carrières comme celles que je viens de nommer, et j'aurai vraiment, vraiment plaisir à revenir probablement bientôt. Mais du coup, quitte à s'évader comme ça avec quelque chose d'un peu inattendu et puis savoureux, on va revenir sur Holger Riller, qui est quand même étrangement celui qui est un tout petit peu oublié du truc, parce que le plus radical, très certainement. Holger Riller, c'est quelqu'un qui, tout en étant chanteur, en fait, a été un des tout premiers à utiliser du sampler, et de façon, j'insiste sur le mot, de manière un petit peu assez radicale, extrêmement découpée, tranchante, et dans une droite ligne du « what you see is what you get ». Voilà. Donc, beaucoup des travaux d'Holger Riller mêlaient art vidéo, avec cet art sonore. Il faut se mettre pile poil au début des années 80. C'est spécialement à partir de 83, d'ailleurs, qu'Holger Riller va mener ça. Et effectivement, on est dans un moment où ça, le truc se fait, quoi. Et on n'est pas encore lassé par la synesthésie, son image, qui va finalement devenir très très générique et un peu trop généralisée à partir des années 90, voire 2000. Mais quand c'est fait, finalement, à une manière somme toute assez archaïque, manuel, en 1983, c'est non seulement ça fait preuve de talent, mais ça fait preuve d'intuition. Faut-il le répéter, Paul Chambaud et chacun des membres ne sont que des gens dont l'intuition a ouvert la voie et dressé des pistes et allumé les phares de toute une ribambelle de kids qui vont leur succéder 10 ans après. Il faut vraiment insister sur ça. Du coup, Holger Riller, il trouve hébergement chez Mute Records. Donc Mute, c'est quand même un label très important. Et Mute est très conscient qu'avec Holger Riller, ça ne va pas le faire. Holger Riller détient le triste record des disques les moins bien vendus de Mute Records. Alors j'ai cherché à... Je sais que c'est les disques les moins bien vendus, je ne sais pas combien sont vendus. Mais moi-même, je ne l'avais pas acheté, c'était une promotion copie qu'avait envoyé Mute et Virgin à l'époque, se disant que voilà, il y a un pauvre gars un peu perdu en Bretagne qui a réussi à faire danser deux gars sur Paul Chambaud. On va peut-être lui envoyer le disque d'Holger Riller, ça lui fera plaisir. Mais bon, il n'était pas question d'un feedback radio, d'airplay, enfin bref, quoi que ce soit, vous pouvez l'imaginer. Donc, il est probable que le disque soit vendu plutôt à 20 exemplaires qu'à 200, si vous voulez, quoi. Enfin, il est là, il existe. Et il est cool pour son contenu, je vais décrire ce que vous allez entendre. C'est du sample. Et là, c'est que du sample, ou pratiquement que du sample. Et c'est Holger Riller qui s'y attache. Bien sûr, c'est lui qui chante. Mais il est encadré, et bien sûr, j'aurai provisoirement une boucle avec les noms que je destinais tout à l'heure, avec justement, le jeune bidouilleur et génial Moritz von Oswald. Moritz von Oswald est batteur à ce moment-là, mais il est aussi de percussion, et bien sûr, ça fute sur le sample, notamment un petit peu drivé par Holger Riller. C'est des gens qui resteront très très potes après. Quand bien même, lui, le groupe Paul Chambaud sera consumé et que Holger Riller en partira très très vite. Ce disque-là, c'est le deuxième, en fait, qui paraît chez Mute. Oben er Eck. Pardon, pour l'accent, je ne vais pas me refaire là-dessus. Qui est donc le deuxième, je pense, le plus radical des deux, d'ailleurs. Mais les deux sont très bons, respectivement, par 183 et 85. Contient, en pochette intérieure, une photo de Morrison Oswald. Et pendant des années, c'était l'unique photo qu'on pouvait trouver de Maurice von Oswald, et dont j'avais pu me servir accessoirement dans des parutions magazines de l'époque, parce qu'effectivement, trouver une image de Maurice von Oswald, c'était presque une gageure dans ce milieu branché électro de l'époque. Et je vous rappelle qu'il n'y en avait pas, que Maurice von Oswald ne se montrait jamais. Là, on est dans ces stratégies underground hautement élaborées, finalement, à partir du début des années 90. C'est les mêmes qu'on trouve à Detroit, avec Underground Resistance, par exemple. Mais du coup, comme très peu de l'audience de l'époque avait connaissance, ne serait-ce que du groupe de Paul Chambourg ou même l'existence même de Holger Riller, disons avant, la connexion n'était pas évidente à faire. Donc voilà, l'unique photo faussement presse qui pouvait traîner était un tout petit extrait, parce que c'est un carré dans le 33 tours, si vous voulez, d'une photo qui doit faire 6 cm sur 3 et qui nous montre bel et bien les Maurice von Oswald en question. Bon, aujourd'hui, le Maurice von Oswald, on le voit, cet anonymat, il est disparu. Là encore, le temps a fait son œuvre. Hein, et vous trouverez finalement des interviews tout à chacun et des images sur YouTube. C'est plus une rareté du tout, ça. Mais ça l'a été, et ça l'a été sur une énorme longueur, c'est-à-dire une large décennie, et décennie qui a participé à fabriquer le culte donc des labels. Basic Channel, la série M de Maurizio, Rhythm and Sound, et pas mal d'autres. Pareil du côté de Thomas Feldman, hein, qui lui était un des piliers de l'écurie Trésor. Il en était DJ là-bas, mais il était surtout producteur. Derrière le réalisateur et derrière le combo The Orb, qui a été britannique. Donc voilà. Il y avait une espèce de map monde qui passait dans les mains de ces gens-là, finalement dans un comité relativement restreint. Et par contre, avec un rayonnement absolument époustouflant. Donc retour à un bout de l'histoire et sortons avec, je vais vous mettre la première face du disque Obem im Eck de Holger Riller. Je crois que ça se passe de commentaires, je pense qu'à côté, déjà le disque de Palachambourg est rempli d'une certaine radicalité, mais c'est une radicalité conviviale, j'ai envie de dire. Il y a de la fête derrière le cold et inversement. Sur ce disque-là, c'est probablement moins évident. C'est acerbe, ça peut être volontiers mélodique, mais on est aussi dans un constant chaud-froid de morceaux finalement plus ou moins contraires. Et qui donne finalement peut-être à peine le potentiel de ce que pouvaient dégager ces gens-là à l'époque. Donc, Holger Riller dans cette galaxie Neue Deutsche Chevalier est probablement le premier nom que j'ai cœur à réhabiliter grâce à Paul Chambaud, mais aussi grâce à ses expériences solo dans cette série de Cargo Cult. Mais je vous promets, prenons d'ores et déjà rendez-vous finalement, que des gens comme Maurice von Oswald ou Thomas Feldman auront prochainement le droit aux honneurs de nos colonnes. Je sais que ça vous fera plaisir et ce sera évidemment un plaisir partagé. Bonne sortie et bonne écoute à l'écoute de ce demi-disque d'Holger Riller. C'était en 1985 sur Mute Records, disque qui détient donc le triste record d'être le moins bien vendu de toute l'histoire du label. Holzsteig ist unten. Vier Menschen von ganz vorne. Der Stein, Stein. Ein Fleck oben im Eck, oben im Eck. Quer zieht sich der Steinzug nach hinten. Die Zwischen.